Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 49 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni, rahimahullah, aqidatu salaf wa ashab al-hadith. On est toujours dans le chapitre sur al-iman, yani la définition de al-iman. Al-iman, qawlun wa amalun. يزيد وينقص الإيمان قول وعمل يزيد وينقص c'est-à-dire la foi elle est composée de la parole et des actions et elle augmente et elle diminue donc ça c'est la aqida de Ahl Sunnah la aqida des salaf hein, des sahaba et des tabi'in et des imams de la Sunnah à travers les siècles. Ils ont tous été d'accord sur ce principe-là, à l'unanimité, et il y a un consensus là-dessus, comme sur la plupart des fondements de la aqida de Ahl Sunnah. Donc on a expliqué certains points à ce sujet-là depuis les derniers cours, puisqu'on a commencé ce cours-là depuis le cours 46. On a commencé à parler de ce sujet. Donc aujourd'hui c'est le cours 49 comme on a dit. Donc on va avancer encore. Parce qu'il y a d'autres citations des salafs que le cheikh a mentionnées dans son livre, avec des explications à clarifier. Donc, l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il dit وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرَ الْحَيْرِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ إِبْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدْ إِبْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيُّ يَقُولْ أو سَمِعْتُ الحميدية يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص قال أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقال الوليد ابن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. Donc, on va traduire ces trois citations. Après, on va lire les explications de ces citations-là. Donc, l'imam al-Sabuni, il cite différentes citations ici. La première, rapportée hein, avec la chaîne de transmission, il dit, nous a informé Abu Amr al-Hayri, nous ont informé Muhammad ibn Yahya ainsi que Muhammad ibn Idris, qui ont dit, on a entendu Al-Humaydi. Al-Humaydi, c'est un des grands imams de la Sunna, un des grands imams parmi les salafs. C'est un des shuyukh de l'imam Al-Bukhari. Un des shuyukh de l'imam Al-Bukhari. Et si je me souviens bien, le premier hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam Al-Bukhari, c'est le hadith de Al-Innamal A'malu Binniyat. Et dans la chaîne de transmission, le premier rapporteur qui a rapporté, de qui l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith-là, c'était l'imam al-Humaydi. Hein? Et c'est un imam parmi les imams des salafs. Il a même lui aussi une aqida, yani qui clarifie sa aqida et qui prouve que sa aqida, c'est la aqida des salafs. Et c'est publié, cette aqida, elle a été publiée. Et elle a même été expliquée par des ulama. Il y a des éditions des explications de cette aqida. Le cheikh Abdullah al-Bukhari l'a expliqué. Et ainsi que d'autres parmi les mashaykh, ils l'ont expliqué également, cette aqida. Elle est résumée, mais elle est très bénéfique. Et donc ici, il cite cette citation qui vient de la parole de l'imam al-Humaydi. Il dit... Yani, l'imam al-Humaydi, il dit, j'ai entendu Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, lui aussi, c'est un des imams, parmi les imams d'Ahl-Sunnah. Il fait partie des grands ulama de la sunna, des imams, parmi les imams des salafs. Et c'était le mufti de la Mecque à l'époque, hein, à l'époque des salafs. C'était lui qui était le mufti de Mecca. Et à la même époque que Sufyan ibn Uyayna était le mufti de Mecca, eh bien l'imam Malik, lui, il était le mufti de Médine. D'accord? Donc ça vous donne une idée du niveau ou du degré, du calibre de cet imam. D'accord? Et de l'époque à laquelle il a vécu. Donc l'imam Sufyan ibn Uyayna aussi, c'est un parmi les grands imams. Justement, yani, l'imam al-Humaydi, il dit, j'ai entendu cet imam-là aussi, Sufyan ibn Uyayna, qui a dit, la foi, c'est composé de la parole et des actions, et ça augmente et ça diminue. Alors, le frère de l'imam Sufyan ibn Uyayna, son frère s'appelle Ibrahim. Ou bien, un de ses frères s'appelle Ibrahim. Donc, son frère lui dit, qui est Ibrahim ibn Uyayna, il lui demande, à son frère Sufyan, Ya Aba Muhammad. Abu Muhammad, c'est la kunya de Sufyan ibn Uyayna. Donc, son nom, c'est Abu Muhammad Sufyan ibn Uyayna. Donc, il lui dit, Ya Aba Muhammad, taqulu yankus? Il dit, oh, Abu Muhammad, est-ce que tu dis à propos de la foi qu'elle diminue? Hein? Comme s'il a trouvé ça surprenant. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Sufyan, l'imam Sufyan ibn Uyayna? Il lui a dit, uskut ya sabi. Hein? Il a dit, tais-toi, oh petit enfant. Hein? Parce que c'est son petit frère. Il dit, uskut ya sabi. Bal yanqus hatta la yabqa minhu shay. Il dit, il peut même diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien de la foi. Ça, c'est grave. Hein? Alors le cheikh, ensuite, il cite une autre citation. Il dit, قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي. Donc الوليد بن مسلم dit, j'ai entendu l'imam الأوزاعي ومالكا, ainsi que l'imam Malik, وسعيد بن عبد العزيز, hein? Il dit, ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل. Il condamne et il réprimande, hein, la personne qui dit qu'elle déclare la foi, hein, qu'elle dit qu'elle est croyante sans faire les œuvres, sans faire les actions qui font partie de la foi. Et il dit, wa yaqulun la iman illa bi'amal. Et ces imams-là, hein, Al-Awza'i et Malik, yani Al-Awza'i, c'est l'imam de Al-Sham à l'époque de l'imam Malik, et Malik, c'est l'imam de Médine. Et Saïd ibn Abdelaziz, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus, mais yani, il est parmi les imams lui aussi, puisqu'il est cité parmi ces imams-là. Donc s'il est cité parmi ces imams, ça veut dire que lui-même, c'est un des imams. C'est juste qu'ils n'ont pas mis son surnom ou bien son laqab, ce qui fait que des fois, on ne connaît pas des fois son nom, on connaît par son surnom. Comme l'imam Al-Awza'i, si quelqu'un n'est pas familier avec son vrai nom, il ne va pas savoir, si on cite son vrai nom, qui est-ce qu'il est. Peut-être qu'il va entendre son vrai nom, il va dire, oh, c'est qui lui? Alors que si on lui dit, c'est l'imam Al-Awza'i, ah oui, je sais qui c'est. Hein? Donc, il dit ici, et il condamne, et ils disent, il n'y a pas de foi sans action. Donc, il dit, il n'y a pas de foi sans action. Ça veut dire que si quelqu'un ne fait rien des actions de la foi, eh bien, il n'est pas mu'min. Il n'a pas de foi. Et il dit, wa qultu, فَمَنْ كَانَتْ طَاعَتُهُ. Donc, il dit, l'imam al-Sabuni, celui dont les obéissances et les bonnes actions sont plus nombreuses, alors sa foi, elle est plus complète. Et celui dont les obéissances sont peu, et qui fait beaucoup de péchés, et beaucoup d'insouciance, et beaucoup de laisser aller, alors sa foi, elle est plus faible. مَنْ كَانَ قَلِيلُ الطَّاعَ كَثِيرُ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَفْلَ وَالْإِضَاعَ فَإِمَانُهُ نَاقِسْ. مَنْ كَانَتْ طَاعَتُهُ وَحَسَنَتُهُ أَكْثَرْ فَإِمَانُهُ فَإِنَّهُ أَكْمَرُ إِمَانًا. Donc le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique ces passages-là, ces citations-là. Il dit, قَالَ الْمُصَنِّفْ رحمه الله وأخبرنا أبو عمرو الحيري وحدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني قبلها سئل فقال الإيمان قول وعمل فقط، وهنا قال الإيمان يزيد وينقص وسكت، فهو مرجي عند الحدادية، فهو مرجئ عند الحدادية. لو قال مرة أخرى لا يبقى منه شيء فهو مرجي. لماذا؟ لأنه لماذا؟ لأني أنا قلت حتى لا يبقى منه شيء، قالوا أنت مرجي. فسفيان على مذهبهم مرجي. ولو قال حتى لا يبقى منه شيء، نعوذ بالله، يعني من ضلال لا يعرف مثله. وقال رحمه الله، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. اضطره أخوه لأن يقول هذا الكلام. قل أنت قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكن هل لا بد من أن يقول الإنسان هذا وإلا فهو مبتدع؟ هذا والله يعني يبدع الصحابة، ويمكن يبدع الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إجرام وتخريب وتدمير. قال رحمه الله، وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بالعمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم، لا إيمان إلا بعمل، وما ذكروا لا زيادة ولا نقصا، فهم مبتدعة مرجئة عند الحدادية، نسأل الله العافية، يعني نسأل الله العافية من الخبث. لا أخطر من هذا المنهج على الإسلام وعلى المنهج السلفي. وقال رحمه الله قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. هذا مذهب أهل السنة الذي خالفوا به مذهب الخوارج والمرجئة، ولم يقل لا يبقى من إيمانه شيء، ولم يقل لا يبقى من إيمانه شيء فهو مرجئ عند الحدادية. يعني سبحان الله، الشيخ il explique ces trois citations qu'on a mentionnées. Après la première citation, il mentionne que l'imam Sufyan ibn Uyayna, quand on lui a posé la question, ou bien quand il a parlé au sujet de la foi, il a dit la foi c'est les paroles et les actions, ça augmente et ça diminue. Il n'a pas rajouté rien de plus. Donc ici après, il a répondu encore la même chose. Une fois il a répondu à la question, Cheikh Rabi, il dit, une fois on lui a posé la question à propos de la foi, il a dit al-iman qawlun wa amal faqat. Il a juste dit la foi c'est les actions et les paroles et les actions seulement. Il n'a rien rajouté de plus. Dans cette citation qu'on a mentionnée ici, il a rajouté elle augmente et elle diminue. Et puis il s'est arrêté là. Alors il dit, selon le groupe des Haddadiyah, les extrémistes qui existent aujourd'hui, les Haddadiyah qui sont sur la voie des Khawarij en réalité, et qui se camouflent derrière la Salafiyah pour se faire passer pour des Salafis, eh bien cette secte des Haddadiyah, eux sont tellement extrémistes que si quelqu'un, il ne rajoute pas, pour eux, s'il ne dit pas, il ne reste plus rien de la foi, alors il considère que c'est un murji. On a expliqué déjà qu'est-ce que c'était. C'est la secte des gens qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. D'accord? Et une autre fois, on lui a posé la question, ou bien une autre fois, il a répondu au sujet de la foi, et il a rajouté « La yabqa minhu shay ». C'est-à-dire, il n'en reste plus rien. C'est-à-dire, la foi peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et donc, il dit, malgré ça, pour eux, il est considéré quand même comme étant un murji. C'est-à-dire, par rapport à ce que disent les Haddadiyah ils considèrent ça malgré tout comme étant hein, une forme de dirja. Allah al-Musta'an. Et ça, vous le trouvez aujourd'hui à notre époque, beaucoup de haddadiyya, beaucoup de gens qui appartiennent à la secte des haddadiyya, ils attaquent les ulama salafiyin et ils les accusent d'être des murji'a. Ils accusent Cheikh Rabi'a d'être un murji'a. Ils accusent Cheikh Ibn Baz d'être un murji'a. Cheikh Ibn Uthaymin, ils l'accusent d'être un murji'a. Cheikh Al-Albani, ils l'accusent d'être un murji'a. Cheikh Ubaid al-Jabiri, ils l'accusent d'être un murji'a. Et tous les mashaykhs, ils les accusent d'être des murji'a. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le takfir hein, des musulmans, comme eux le font. Et ils commencent à, justement, essayer de même déclarer, même des ulama, donc s'ils déclarent des ulama murji'a, le cheikh Rabi, il est en train de dire, selon leur madhab et selon leur voie, même les salafs sont des murji'a pour eux. Si on applique leur madhab, si on applique leur position, même les salafs vont être considérés comme étant des murji'a selon leur égarement. Donc c'est pour ça que le cheikh, il dit, on cherche le refuge en Allah contre l'égarement incomparable des haddadiyya. Et ensuite, il a cité comme exemple, l'exemple, la parole de Soufiane ibn Uyayna, quand il a dit à son frère, Abu Ibrahim, « Uskut ya sabi, tais-toi, ô enfant, elle peut diminuer la foi jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. » Il dit, c'est son frère qui l'a poussé à dire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Hein? Dans cette citation-là. D'accord? Et il dit, et toi, tu dis, il y en a, dis-toi, toi et toi dis également, c'est possible qu'elle diminue la foi jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais est-ce que ça, c'est une condition lorsque tu parles de la foi, que tu dises à chaque fois que ça diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, sinon tu vas être un mubtadi'? Non, il n'y a personne qui a dit ça parmi les ulama. C'est-à-dire que cet ajout que l'imam Soufiane ibn Uyayna a mentionné ici, quand il a dit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, ça peut diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, aucune, il ne reste plus de foi du tout, ce n'est pas nécessaire de le rajouter pour que tu sois considéré comme étant un musulman sur la sunna et sur la voie des salafs au sujet de la foi. Si tu le rajoutes, c'est bien. Mais si tu ne le rajoutes pas, il n'y a pas de mal. Puisque déjà le fait de dire que la foi, c'est les paroles et les actions, c'est suffisant. Et si tu rajoutes, elle augmente et elle diminue, ça c'est encore plus, c'est encore mieux. Et si tu rajoutes d'autres détails, plus que tu clarifies, mieux c'est. Mais ce n'est pas une condition. Donc eux, ces gens-là, parmi les haddadiyya à notre époque, ils essaient de rajouter des clauses pour essayer justement de faire le tabdir, de déclarer mubtadi' des ulama et des imams de la sunna. Et ça, c'est grave. Et donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, les haddadiyya, ils sont même capables donc de faire le tabdir, si ça c'est une condition, de dire qu'il n'en reste plus rien pour que tu sois sur la aqidah correcte, la aqidah des salafs, et que tu ne sois pas un mubtadi'a, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils vont même traiter de mubtadi'a, même les sahaba, et même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas nécessairement rajouté cette formule-là. Hein? Donc, ça c'est un crime. Hein? C'est comme ça qu'ils arrivent à essayer de détruire hein, la aqidah des gens. Et le cheikh, il dit ensuite l'autre citation de Abu al-Walid ibn Muslim qui dit, j'ai entendu Al-Awza'i, l'imam Malik et Saïd ibn Abdul Aziz qui condamnaient celui qui dit que tu peux avoir la foi sans les actions. Et il disait, il n'y a pas de foi sans les actions. Et le cheikh Rabi, il dit, oui, c'est vrai, il n'y a pas de foi sans les actions. Et il dit, ici, hein, ils n'ont pas mentionné la question de l'augmentation ni de la diminution de la foi. Dans cette citation-là, ils n'ont pas mentionné que la foi augmente et diminue. Donc, pour les haddadiyya, encore une fois, ils seront considérés comme étant des murji'a et des mubtadi'a. Donc ça c'est grave, yani Allah al-musta'an, que ces gens-là soient aussi extrémistes au point de déclarer innovateurs et murji'a des ulama et des imams de la sunna. C'est pour ça que le cheikh il dit, il n'y a pas un manhaj plus dangereux pour l'islam et pour le manhaj des salaf, il n'y a pas plus dangereux que la voie des haddadiyya. Hein? Ils sont vraiment dangereux parce qu'ils sont extrémistes et ils font beaucoup de tort à l'islam et à la salafia. Et pour terminer, le cheikh il mentionne donc la parole de l'imam As-Sabouni quand il dit que celui dont les actions, les obéissances et les bonnes œuvres sont plus grandes, plus nombreuses, il a une foi plus complète, tandis que celui qui a peu d'obéissance et beaucoup de péchés, et d'insouciance et de laisser aller, eh bien cette personne, elle est yani, plus faible dans sa foi. Donc ça c'est le manhaj des salafs. C'est-à-dire que c'est pas possible que quelqu'un qui fait beaucoup d'obéissance, yani, ou qui fait plus d'obéissance, que sa foi soit plus faible que celui qui fait moins d'obéissance et qui fait beaucoup de péchés. Donc ça c'est important à comprendre. Après le cheikh il dit وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ. Donc ça c'est la voix des gens de la sunna qui ont contredit la voix des khawarij et des murji'a. Et ils n'ont pas dit nécessairement qu'il ne reste plus de la foi si quelqu'un, par exemple, sa foi diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus de rien de sa foi. Ils n'ont pas dit que si tu dis ça, tu es un murji. C'est seulement les haddadiyya qui sont arrivés à cet extrémisme-là. Ensuite, il cite d'autres citations des salafs. Il dit « وَسَمِعْتُ الْحَاكِمْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ يَقُولْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدْ ابن أحمد ابن البالوي الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا قال لا تقبلنا المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد ابن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل ابن شرحبيل قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح سمعت أبا بكر Muhammad ibn Abdul ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria al-Shaybani yaqul sami'tu Yahya ibn Mansur al-Qadi yaqul سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc d'autres citations encore de différents imams que l'imam al-Sabouni a cité ici, qui sont intéressantes. Il dit, yani, je vais couper la chaîne, je ne vais pas mentionner toute la chaîne au complet, ça met tout. Donc il dit, j'ai entendu Ahmad ibn Sa'id al-Ribati yaqul. C'est-à-dire, il a dit, Abdullah ibn Tahir m'a dit, ô Ahmad, vous détestez ces gens-là, c'est-à-dire les Murji'a, mais vous les détestez sans les connaître. Tandis que moi, je les déteste avec connaissance. Il dit, premièrement, ils n'ont aucune... ils ne considèrent pas l'obligation d'obéir aux dirigeants. Donc, ils ne voient pas l'obligation d'obéir aux dirigeants. Aujourd'hui, quand tu dis, par exemple, à quelqu'un, il faut obéir aux dirigeants, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, qui est un des fondements parmi les fondements de Ahl Sunna, eux ils disent ça c'est un mourdi. Aujourd'hui, ils te traitent de mourdi. Alors que lui, ici, l'imam Abdullah ibn Tahir, il explique, il dit, la réalité des mourdi'a, c'est que eux, ils ne considèrent pas l'obéissance aux dirigeants. Hein? C'est les mourdi'a qui considèrent qu'on ne doit pas obéir aux dirigeants. Aujourd'hui, les Khawarij, la plupart des Hizbiyin, des gens de Bid'a, les Ikhwan, si tu obéis aux dirigeants, ou si tu appelles à l'écoute et à l'obéissance des dirigeants, comme le faisaient les Salafs, en accord avec la Sunna du prophète sallam, il te dit, ah, c'est un Mourji. Alors que ça, c'est en réalité, le fait d'appeler à l'obéissance des dirigeants, ça, c'est la voix des Salafs, et ceux qui contredisaient ça, c'était les Mourji'a. Ça prouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui appellent à se rebeller contre les dirigeants, en réalité, beaucoup d'entre eux sont sur la voie des Mourji'a. Ils ne le savent pas. Parce que ça fait partie de la voie des Mourji'a, de se rebeller contre les dirigeants et de ne pas obéir aux dirigeants. Et en même temps, tu vois, par exemple, les Ikhwan, comme Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, tous ces gens-là, c'était des Asha'ira. Et les Asha'ira sont des Murji'a. Les Asha'ira sont des Murji'a dans la foi. Parce qu'ils considèrent que la foi, c'est at-tasdiq bil-qalb, faqat. Ils considèrent que la foi, c'est de croire avec le cœur seulement. Hein? Allah al-musta'an. Donc, c'est des Murji'a, ces gens-là. Mais, ils ont en même temps l'extrémisme des Khawarij. Et c'est possible de réunir plusieurs sectes en même temps. C'est-à-dire de réunir des croyances de différentes sectes en même temps. Même si c'est des sectes qui sont contradictoires à la base. Parce que les gens de Bid'a, ils n'ont pas peur de se contredire. Ahlul Bid'a yatanaqadun da'iman. Hatta yajma' fi nafsin fi shakhs wahid aqaid mutanaqida. Wahid indahu aqidat al-khawarij wa indahu aqidat al-murji'a fi nafsil waqt. Wa huwa murji' wa yukaffir. Subhanallah. Mais ça, c'est des choses qui arrivent, on voit ça. Donc ici, l'imam, il dit, vous les connaissez, et ça arrive des fois. Des fois, tu vois que, par exemple, le cheikh ici, l'imam, il dit, Abdullah ibn Tahir, il dit, « قال لي Abdullah ibn Tahir », c'est-à-dire, c'est Ahmad, Ahmad ibn Sa'id al-Ribati, il dit, Abdullah ibn Tahir m'a dit à moi, c'est-à-dire Ahmad, m'a dit, vous détestez ces gens-là, mais par ignorance. Il dit, moi, je les déteste avec connaissance. Hein? Et ça arrive souvent dans le sens que des fois, il y a des gens qui détestent des groupes de bid'a ou des individus de bid'a. parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont des égarements, mais ils n'ont jamais connu ces individus-là en personne. Ou bien ils n'ont jamais entendu leurs propos d'eux-mêmes, de leurs propres oreilles. Hein? C'est des propos qu'on leur a rapportés parfois. Mais ils les détestent pour ça. Mais celui qui les a côtoyés, ces gens-là, ou qui les a entendus directement, qui a parlé avec eux, et qui les connaît personnellement, il les déteste encore plus parce qu'il a la connaissance beaucoup plus précise par rapport à leurs propos. Et il connaît leur égarement directement, donc il les déteste encore plus. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, premièrement, il ne voit pas l'obéissance du dirigeant. C'est-à-dire, il ne considère pas qu'on est obligé d'obéir au dirigeant dans le bien. Deuxièmement, ils n'ont aucun respect pour la foi. Ils n'ont aucun respect, ils ne donnent aucune valeur à la foi. Et il dit, et par Allah, moi-même je ne permettrai pas que quelqu'un dise, ou je ne me permettrai pas à moi-même de dire que ma foi, il dit, je ne permettrai pas de dire, ma foi, elle est comme la foi de l'imam Yahya ibn Yahya, un des imams des salafs. Ou de dire, ma foi, elle est comme la foi de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit, j'oserais même pas dire ça. Parce que leur foi est beaucoup plus grande que ma foi. Hein? Et là, c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit, donc, moi, je ne pourrais pas me permettre de dire que ma foi est meilleure que ou égale à celle de Yahya ibn Yahya ou de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit, tandis que eux, c'est-à-dire les Murji'a, ils disent que leur foi, elle est comme l'imam, elle est comme la foi de Djibril et de Mikaïl. Hein? Donc, c'est-à-dire que les Murji'a, ils considèrent que leur foi, elle est équivalente à celle des anges, équivalente à celle des messagers, équivalente à celle des sahaba, équivalente à celle des imams de l'islam. Alors que c'est des gens qui font des péchés et qui yani, sont dans toutes sortes d'égarements, et malgré tout, ils pensent que leur foi elle est égale à celui des anges et des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la foi est égale pour tout le monde. C'est la même foi. Elle ne peut pas augmenter ni diminuer. Allah musta'an. Ça, c'est la bid'a. Ensuite, il a cité un autre exemple. Il dit, j'ai entendu Abu Bakr ibn Muhammad ibn Shu'ayb qui a dit, j'ai entendu Ishaq ibn Ibrahim al-Anzali qui a dit, Abdullah ibn al-Mubarak est venu à la ville de Ray. Et il y a parmi les adorateurs, hein, un homme qui faisait beaucoup d'adoration, il s'est levé pour aller voir l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Vous connaissez Abdullah ibn al-Mubarak? Vous connaissez? Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un des grands imams à l'époque de l'imam Malik. Il faisait le djihad une année, il faisait le hajj l'autre année. Et c'était un grand imam dans le hadith. Et quand il faisait le hajj, il payait le hajj à des ulama, à des tulab al-ilm, il leur payait le hajj pour venir avec lui. C'était un commerçant en même temps, il est très riche. Je ne suis pas au courant de cette histoire-là, mais à la kulli hal, il est connu, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, on l'appelait Amir al-Mu'minin fil hadith. On l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith. Yani l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Il y a plusieurs imams qui ont eu ce surnom. Amir al-Mu'minin fil hadith. Parmi eux, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Donc, qu'est-ce qu'il disait l'imam Abdullah ibn al-Mubarak? Hein? Cet homme est venu, c'est un homme qui fait beaucoup d'adoration. Et dans l'explication, il dit, on pense qu'il avait la position des Khawarij. Il est venu voir l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, sa kunya c'est Abu Abdurrahman. Il a dit, Ya Abu Abdurrahman, qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui fait le zina et qui vole et qui boit de l'alcool? Alors l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a donné la position d'Ahl al-Sunnah. Il a dit, je ne le fais pas sortir de la foi. C'est-à-dire, c'est toujours un musulman, un croyant. Même si sa foi, elle est faible, mais c'est toujours un croyant. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Abdurrahman? Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak? Il a répondu, donc je ne le fais pas sortir de la foi. L'homme, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, oh Abu Abdurrahman, est-ce que parce que maintenant tu es devenu vieux, maintenant tu es devenu un mourji? Hein? Maintenant que tu as avancé dans l'âge, maintenant tu es devenu un mourji? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah? Il a dit, les Murji'a ne nous acceptent pas. Il dit, et les Murji'a, eux, ils disent quoi? Nos actions sont acceptées, nos bonnes actions sont acceptées. Et nos péchés sont pardonnés déjà. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, si moi je pouvais savoir qu'une seule de mes bonnes actions était acceptée, j'aurais témoigné que je suis dans le paradis. C'est-à-dire que yani, les Murji'a, pour eux, c'est comme si ils ont déjà la certitude que leurs œuvres sont toutes acceptées et que leurs péchés sont tous pardonnés. Tandis que les gens d'Ahle Sunna, ils n'ont pas cette certitude-là. Au contraire, ils sont toujours dans la crainte et dans l'espoir que Allah accepte leurs œuvres, hein, et que Allah pardonne leurs péchés. Et il a dit, si moi je pouvais savoir qu'une seule de mes bonnes actions serait acceptée d'Allah, j'aurais témoigné à propos de moi-même que je suis dans le paradis. Donc ça prouve qu'il n'est pas sur la voie des Murji'a, hein, et sur la croyance de ce groupe égaré. Et il cite ensuite une autre citation ici, la parole de Omar ibn Khattab à propos de yani Abu Bakr. Il dit, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, si on aurait pesé la foi de Abu Bakr Siddiq, hein, et qu'on l'aurait comparé, qu'on l'aurait pesé contre la foi de tous les habitants de la terre, bien entendu à part les messagers, hein, c'est-à-dire le reste de la Ummah, à part le messager, eh bien sa foi aurait été plus lourde. C'est-à-dire la foi de Abu Bakr Siddiq, elle aurait été plus lourde dans la balance que la foi de tout le monde, hein, dans cette Ummah, jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est pour montrer en même temps la grandeur de la foi de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Mais en même temps, regardez les œuvres d'Abu Bakr Siddiq. Regardez qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam. Regardez comment, qu'est-ce qu'il a fait pour aider le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le premier parmi ceux qui ont cru et qui ont donné de ses biens, de sa personne, hein, pour aider l'islam et pour aider le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accompagné dans sa hijra. Il a été son compagnon à travers toute sa vie. Il était là avec lui sur toutes les batailles, toutes les épreuves. Et après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à défendre l'islam et à propager l'islam et à aider la cause de l'islam. Il a cru en lui alors que personne ne croyait en lui parmi les habitants de la Mecque. Donc la grandeur de la foi d'Abu Bakr, il n'y a personne dans cette Ummah qui peut l'égaler. Peu importe la grandeur de qui est-ce que cette personne-là peut être, peu importe quel cheikh, peu importe quel imam, peu importe quel marabout, je ne sais pas qui peut prétendre être. Parce que, yani, subhanallah, il y a des gens, parmi les gens aujourd'hui, ils pensent que leur cheikh, il est plus grand que les sahabas. Ils pensent que la foi de leur cheikh, il est plus grand que la foi des sahabas. Alors que la foi d'Abu Bakr est plus grand que la foi de toute la Ummah, hein, en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que la foi de son cheikh, là, c'est une goutte d'eau dans l'océan comparé à la foi d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mais malgré tout, c'est comme ça que certains individus, yani, ils disent des énormités, des choses graves. Il y a un frère qui m'a envoyé une coupure, là, comme ça, de vidéo, où il y a des citations, là, de la part de certains soufis qui parlent de leur cheikh. Yani, subhanallah, tu te demandes, est-ce que ces gens-là, ils adorent Allah ou ils adorent le cheikh? Et il y en a qui disent, si on avait le choix entre Allah et le cheikh, on choisit le cheikh. Oui, ils disent des paroles de kufr, comme ça. Sallallahu al-afiyah. Sallallahu. Donc c'est pour ça, yani, comment des gens sont dans l'égarement à ce point, yani, Allah musta'an. Donc s'ils auraient compris la foi, ils n'auraient jamais dit des choses pareilles, hein? Et ensuite, il a cité un autre exemple de cheikh, et il parle de la foi de la compréhension de la foi selon Ahmed ibn Harb. Et il a dit, je témoigne, hein, ça c'est Ahmed ibn Harb al-Zahid, et il dit, je témoigne que la foi de Ahmed ibn Harb celui qui a établi comme sa croyance vis-à-vis d'Allah, hein, la foi avec laquelle il veut rencontrer Allah au jour de la résurrection, il dit la foi c'est une parole, c'est composé des paroles et des actions, ça augmente et ça diminue. C'est-à-dire la foi elle peut augmenter, elle peut diminuer. Elle est composée des actions et des paroles. C'est pas seulement la croyance, c'est aussi les actions. Hein? Et elle augmente et elle diminue. Donc le cheikh il explique maintenant ce passage-là. Il dit... قال رحمه الله سمعت donc on va pas lire toute la citation complète, juste l'explication parce que sinon on va pouvoir plus avancer plus longtemps. قال رحمه الله يعني donc il cite la citation ici avec la parole qu'on a mentionnée de Ahmed ibn Saïd al-Ribati. Quand il a dit à Abdullah ibn Tahir, vous voulez détester yani, par ignorance. C'est-à-dire, yani, ma araftum haqiqatahum, kama araftuhum ana. C'est-à-dire, moi je les déteste avec connaissance. Vous voulez détester, mais par ignorance. C'est-à-dire, vous n'avez pas connu leur réalité de la manière que moi je les ai connus, ces gens-là. Et donc, c'est comme ça, des fois, quand tu vois quelqu'un. Il y en a qui a côtoyé ou qui a connu des individus qui étaient dans l'égarement et qui ont dit des choses, des paroles de kofre ou des paroles de bid'a ou des égarements comme ça. Tu les as entendus avec tes oreilles, tu les as vus ces gens-là, donc tu sais exactement comment ils sont perdus, comment ils sont égarés. Tandis qu'une autre personne, hein, tu l'as mis en garde, tu l'as dit, ces gens-là, ils disent ça, ils font ça, ils sont comme ça. La personne, elle va pas les aimer. Elle va savoir que ces gens-là sont mauvais, que ces gens-là sont égarés. Mais c'est pas comme si elle les avait entendus d'elle-même directement, hein? Donc c'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens ici à Montréal qui sont sur une croyance d'égarement, qui ont des croyances de bid'a, qui sont sur les croyances de la secte des Khawarij et qui ont les idées des Khawarij, hein? Comme par exemple les gens qui les responsables de la mosquée Sahaba. Qui appelle au takfir, qui appelle à la rébellion, qui appelle à toutes sortes d'idéologies, qui sont les idéologies des Khawarij, et qui défendent les Khawarij. Hein? Et bien, ces gens-là, il y en a des gens qui disent ben, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça à leur sujet? Hein? Parce qu'ils ne les ont pas connus. Mais quand tu les as connus, ces gens-là, ou quand tu les as déjà entendus, tu as entendu les paroles de leur bouche, hein? Puis ça, c'est pas aujourd'hui, c'est des choses des fois même, comme tu les as entendues il y a comme 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, et tu les as entendues dire des choses qui sont très graves par rapport à la croyance de ces gens-là, de ces Khawarij. Alors c'est normal que tu mettes en garde contre ces gens-là, mais toi tu viens d'arriver et tu connais rien, et tu les connais pas hein, comme d'autres les connaissent, et tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Comme ceux qui les connaissent. Alors, celui qui les connaît directement, il les déteste beaucoup plus. Et si tu les connaissais, hein, comme c'est ceux qui les connaissent, tu les aurais détestés autant toi aussi. Parce que c'est des gens qui appellent aux égarements des Khawarij. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit ici, « Ma araftum yani » il dit, « Tubridounahum jahlan » وَأَنَا أُبْرِدُهُمْ عَنْ مَعْرِفَةً. Il dit, premièrement, ils ne considèrent pas l'obéissance aux dirigeants. Ils ne considèrent pas l'obligation d'obéir aux dirigeants dans le bien. Il dit, أَنَّ أَهْلَ الْبِدَعْ كُلُّهُمْ فِيهِمْ نَزْعَةُ الْخَوَارِجِ نَزْعَةُ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ عِنْدَهُمْ هَذِهِ النَّزْعَةَ الْخَبِيثَةَ لَا تَجِدْ نَقِيًا فِي هَذَا الْبَابِ illa ahl as-sunnah al-khullas. Donc le cheikh il dit la raison pourquoi ils considèrent pas l'obéissance, l'obligation d'obéir aux dirigeants, il dit c'est parce que les gens de bid'a, peu importe leur secte, ils ont tous une petite tendance des khawarij chez eux. Et il cite en note de bas de page, il dit wa qala salam ibn muti' kana ayyub yani as-sikhtiyani السختيان يقول سمي أهل الأهواء كلهم خوارج يسمي أهل السنة أو يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف من كتاب الشريعة للإمام الجري. Donc il cite une parole ici de Salam ibn Abi Muti' qui disait que l'imam Ayyub al-Sakhtiyani, un des imams parmi les imams des salafs, il disait que lui, il appelait tous les gens de Bid'a, tous les gens de la passion, il les appelait tous des Khawarij, peu importe la secte. Il dit pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont tous des Khawarij, même s'ils ont des noms différents, parce qu'ils se sont tous mis d'accord sur l'épée. C'est-à-dire de prendre l'épée contre les dirigeants et de se rebeller contre les dirigeants. Et donc, tu vois cette constante chez tous les groupes de bid'a et chez toutes les tendances des gens de bid'a qui veulent toujours se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir. Les chi'as, rafida, tu le retrouves chez eux. Ils ont cette tendance parmi comme la tendance des khawarij. Si leur dirigeant, c'est un sunni, quelqu'un qui est sur la sunna, ils vont tout faire pour essayer de le tuer ou de le faire tomber. Et tu trouves ça aussi chez les Batiniyah, la même chose. Tu trouves ça aussi chez les Yani Ikhwan. Et tu trouves ça aujourd'hui chez Yani les autres groupes, la même chose. Chez les Khawarij et chez les Takfirin. Yani tous ces groupes, toutes ces tendances-là, même les Murji'a, qui sont des gens qui sont très laxistes dans la foi, et pourtant ils se rebellent contre les dirigeants eux aussi. Les Mu'tazila, la même chose. Les Mu'tazila, un de leurs fondements, c'est yani, qu'est-ce qu'ils appellent l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, et ils considèrent que ça fait partie de inkar al munkar, c'est-à-dire de se rebeller contre le dirigeant injuste. Ils pensent que ça fait partie d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Alors que ça, c'est la voie des Khawarij, comme on l'a expliqué. Parce qu'on n'interdit pas le mal aux dirigeants de la même façon qu'on l'interdit à d'autres personnes. Et on n'utilise pas l'épée contre les dirigeants. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, ils ont tous cette... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont tous cette tendance, parmi les tendances des Khawarij, la tendance de la rébellion contre les dirigeants, et ils ont tous cette mauvaise tendance, et il dit, il n'y a personne qui est propre dans ce domaine et dans ce sujet, excepté les gens qui sont purement sur la voie d'Ahl-Sunnah. Excepté ceux qui sont purement sur la voie d'Ahl-Sunnah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Kif al-hal? Khair? C'est nous qui allons te demander comment tu vas. Vous aviez perdu votre clé ou quoi? Non, on n'a pas perdu notre clé. Vous êtes tous rentrés non. En même temps. C'est pour ça que j'étais sur... Parce que nous sommes des Algériens. Ah d'accord, Talas. Ça explique tout. Barakallahu fikoum. طيب ensuite le cheikh dit والثاني انه ليس للايمان عندهم قدر والله لا استجيز ان اقول ايمانك ايمان يحيى بن يحيى وهو من ائمه الاسلام والحديث من تلاميذ مالك وهو معروف ولا كايمان احمد بن حنبل وهم يقولون ايماننا كايمان جبريل وميكائيل بل يقولون ايمان افجر الناس مثل ايمان جبريل وميكائيل وأبي بكر ومحمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء فعلا ليس للإيمان عندهم قدر ولو كان للإيمان عندهم قدر ما قالوا هذا الكلام أن إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء ما فقهوا دين الله وما عرفوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف يكون إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il explique, il dit le deuxième point c'est que les murja n'ont aucun respect pour la foi, donnent aucune valeur à la foi, et la raison de ça il dit parce que l'imam il dit moi je permettrai jamais à moi-même de dire que ma foi elle est comme Yahya ibn Yahya. Et il dit, l'imam Yahya ibn Yahya, c'est un des imams parmi les imams de l'islam et du hadith. C'est un des élèves de l'imam Malik ibn Anas. Un des grands élèves de l'imam Malik. Et je pense même qu'il a rapporté la Muwatta de l'imam Malik, Yahya ibn Yahya. Il est connu. Il dit, et je ne permettrai pas, je ne me permettrai pas non plus de dire que ma foi, elle est comme la foi de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? Et il dit, tandis que eux, les Murji'a, ils se permettent de dire que leur foi, elle est comme la foi de Jibril et de Mikaïl. C'est grave. Et Cheikh Rabi, il dit, mais ils disent pire que ça encore. Ils disent que la foi de la plus perverse et du plus grand pécheur, elle est comme la foi de Iman, comme la foi de Jibril et de Mikaïl. Même qu'ils disent que la foi du plus grand pécheur, elle est comme la foi de Abu Bakr et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour la foi. Hein? Parce que s'ils avaient du respect pour la foi, ils n'auraient pas dit que la foi du plus grand pervers parmi les hommes est égale à celle de Jibril, à la foi de Jibril ou de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ces gens-là n'ont rien compris de la religion d'Allah. Et ils n'ont pas compris non plus le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comment pourrait-il dire que la foi du plus grand pécheur parmi les hommes est égale à celle de la foi de Jibril et de Mikaïl et de Muhammad et de Ibrahim alayhi salam? Donc c'est pas possible. Hein? Après le cheikh, il dit, Al-murji'a indahum al-iman shay'un wahid, la yatajazza, la yaqbalu ziyadatan wala naqs. Hein? Bal, il dit, la yaqbalu ziyadatan ولا يقبل نقصا وهذا هو الضلال البعيد والعياذ بالله دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وأنه ينقص وأنه ينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة ويزيد فنقول وقد لا يبقى منه شيء ولكن هذا ليس بلازم وإلا لو ألزمونا به الناس نكون قد حكمنا على الأمة الإسلامية كلها بأنها مرجعة وعلى رأسهم الصحابة وأئمة التابعين صلى الله العافية ولو التزمنا هذا لكفرنا العصاة بالذنوب وصرنا خوارج نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, les murji'a, ils pensent que la foi c'est un tout indivisible. Ça veut dire que ils considèrent pas que la foi peut diminuer ou augmenter. Pour eux, la foi c'est un tout. Et ça, ils ont ça en commun avec les Khawarij. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Be careful. Look at your feet. The red thing is to hold the door. Yes. So leave it on, next to the door. Make sure that it does not close. Leave it open. Put. Oh, you want to see Omar? Okay, no problem. Sorry. Donc le cheikh il explique, il dit, il pense que la foi c'est quelque chose qui est un tout indivisible. Il peut pas augmenter, il peut pas diminuer. Il dit, ça c'est de l'égarement. Parce qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui indiquent que la foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Hein? Et il dit que même qu'il y a des preuves dans la Sunna qui montrent que la foi, elle peut diminuer et diminuer et diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Hein? Et même qu'il y a des hadiths qui mentionnent que la foi peut diminuer jusqu'à ce qu'il ne soit que le poids d'un atome. Jusqu'à ce que ce soit le poids d'un atome. Et ça, on le retrouve dans les hadiths de la Shafa'a. Il y a les hadiths de la Shafa'a qui indiquent qu'au jour de la résurrection, Allah il va faire sortir de l'enfer quiconque avait un atome de foi dans son cœur. Il va sortir de l'enfer et Allah va le faire entrer au paradis. À condition, bien entendu, qu'il soit mort sur le tawhid et qu'il ait commis des péchés. Donc s'il était en enfer, Allah l'a mis en enfer pour le purifier. Parce que c'était un croyant, mais qui a commis des péchés. Donc il va aller en enfer, il va être nettoyé et purifié de ses péchés. Une fois qu'il est purifié de ses péchés-là, quand Allah va décider, il va le faire sortir de l'enfer, il va le mettre dans le paradis. Hein? Donc ça, c'est la preuve que la foi peut diminuer et que peut, ça peut devenir même comme un atome, ça veut dire infiniment petit. Et il dit que c'est possible que la foi diminue même au point qu'il n'en reste plus rien. Il dit, mais ça, c'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, ça se peut que ça soit le cas, mais c'est pas nécessaire que ce soit le cas pour toute personne qui a une foi qui diminue. Hein? Il dit, si on imposait cela, c'est-à-dire si on imposait de dire que la foi diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, on imposait de dire ça à tout le monde, il dit, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on aurait jugé que toute la umma est sur la position des murji'a. En commençant par les sahaba et les imams des tabi'in, parce qu'eux, ils n'ont pas mentionné ça. Hein? Et il dit, et si on imposait ça, si on adoptait cette position, ça veut dire qu'on aurait déclaré mécréants les gens parmi la umma qui font des péchés. On les aurait déclarés kuffar pour des péchés. Ça impliquerait qu'on fasse le takfir de tous ceux qui font des péchés dans la umma. Et ça voudrait dire qu'on deviendrait des khawarij à ce moment-là, parce que ça, c'est la position des khawarij. C'est une position d'égarement. Il dit le cheikh ensuite, قال رحمه الله وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقال فقام رجل إلي من العباد فقام إليه رجل من العباد يعني عباد الخوارج يعني أظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان يعني عرف مغزاه لأنه ذكي ابن المبارك إمام يعني بلغ من الفضل والمكانة الأمر الذي قد لا يلحقه فيه أحد من عصره ومن بعد عصره كان يجاهد سنة ويحج سنة يجاهد ويغزو وينفق على أهل الحديث وعبادة ويعني وعلم ورحلات في طلب العلم يقولون إنه حاز درجات من الكمال رحمه الله انظروا ماذا سيقول يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان فهم فهم من السائل أنه من الخوارج وأنه يكفر بالذنوب وأنه يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان فقال لا أخرجه من الإيمان يعني فطن له فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا يعني الخوارج عندهم أهل السنة مرجئة فابن المبارك وأمثاله عندهم مرجئة لماذا؟ لأنهم لا يكفرون مرتكب الذنوب ولا يخرجونه من الإسلام فلذلك هم عندهم مرجئة يعني طبعا أهل البدع والضلال يرمون أهل السنة بالإرجاء ويرمونهم بالتجسيم ويرمونهم بالجهل ويرمونهم بطعون وطعون فأهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة بل يطعنون فيهم كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية بل هم الآن من أشد الناس طعنا في أهل السنة ومن أشد حربا ومن أشدهم حربا على أهل السنة حيث إن علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء اليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم الآن عندهم مرجئة ومبتدعة ولا يتعرفون إلا بشخص واحد تقريبا وهو الشيخ صالح الفوزان فقط ليندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السنة جميعا وهم والله بدأوا بالشيخ صالح الفوزان ورب السماء وأدينوا الله بأنهم يبغضونه ويحتقرونه فعلماء السنة كلهم الآن عندهم هؤلاء المبتدعة مرجئة ومن يكونونهم ما ندري لهم ثلاثة رؤوس أو أربعة بارزين فقط وهم من أضل خلق الله وأكثرهم خيانة وفجورا فكيف بالمخفيين المخفيون يمكن فيهم باطنة وروافض والله أعلم فما أبقوا لأهل السنة شيئا هذا حالهم الآن حرب أهل السنة. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On va juste expliquer ce passage. Il a expliqué la citation à propos de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, quand un homme de la ville de Ray, parmi les adorateurs qui fait partie des Khawarij, est venu lui poser la question. Il lui a dit « Ya Aba Abdurrahman !» Ça c'est la kunya de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il s'appelle Abu Abdurrahman. Ils ont dit « Qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui fait le zina et qui boit de l'alcool, hein, qui vole ?» L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a compris que c'est un khariji. Il veut l'appeler à dire que c'est un kafir, celui qui fait ça. Donc lui, il a compris ça. Il lui a dit « Je ne le fais pas sortir de la foi. Malgré ces péchés-là, mais je ne dis pas qu'il sort de la foi. » Parce que la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, à propos du musulman qui commet des péchés, on dit qu'il est croyant, mais que sa foi est faible. Tandis que les khawarij, s'ils voient quelqu'un qui fait des péchés, ils disent « Ah, ça c'est un kafir. » Et ça c'est la voix des khawarij, ça c'est la voix des gens de bid'a, des égarés. Hein, ils font sortir de la foi des musulmans parce que les musulmans ont fait des péchés. Nous on ne fait pas sortir un musulman de la foi parce qu'il commet des péchés, mais on dit sa foi elle est faible. D'accord? Et celui qui sort de la foi, c'est celui qui rend halal ce qui est haram. Si quelqu'un, tu lui montres les preuves du Coran et de la Sunna, que le zina c'est haram, que l'alcool c'est haram, que voler c'est haram, il te dit non, c'est pas haram, j'ai le droit de le faire, c'est halal. Ça c'est kofr. Mais celui qui vole pas, qui fait pas le zina, qui boit pas d'alcool, mais qui dit que c'est halal, ça c'est un kafir. Parce qu'il rend halal ce qui est haram. Et ça, c'est à l'istihlal. Istihlal, yani, ça c'est kofr. Ça fait partie du kofr. Mais si quelqu'un, yani, il vole ou il boit de l'alcool ou il fait le zina, puis il sait que c'est haram, il reconnaît que c'est haram, il reconnaît que ce qu'il fait c'est un péché, hein, eh bien à ce moment-là, c'est toujours un musulman. C'est toujours considéré comme étant un croyant, mais on dit c'est un pécheur. Et on dit que sa foi, elle est faible. Mu'minun asi. Mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Imanuhu naqis. Donc ça, c'est la position de Ahl sunnah wal jama'a au sujet de celui qui fait des péchés. Donc l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il lui a répondu, il a dit, je ne le fais pas sortir de la foi. Alors qu'est-ce qu'il a répondu le cheikh, premièrement, cheikh Rabi, il dit, qui est l'imam Abdullah ibn al-Mubarak? Il dit, c'est un grand savant qui a un grand mérite dans l'islam et un degré élevé dans la religion. Il dit, peut-être que peu d'imams avaient un degré aussi élevé à son époque et à l'époque après même. Il était vivant à l'époque de l'imam Malik. Hein? Et c'est ce qui est connu de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, c'est que c'est un grand savant de hadith, un grand imam parmi les imams de la sunna. Il faisait le djihad une année et l'autre année, il faisait le hajj. Et il dépensait de son argent aussi pour aider les savants, les ulama, les gens du hadith, les adorateurs. Et il leur payait même le hajj à chaque année, à chaque deux ans. Parce qu'une année, il faisait le djihad et il partait dans les expéditions militaires. Et l'autre année, il faisait le hajj. Hein? Donc, il a beaucoup de mérite, ce grand imam. Et en même temps, c'est un parmi les savants de la sunna. Comme je disais tout à l'heure, on dit de lui que c'était Amir al-Mu'minin fil hadith à son époque. Donc c'était un grand savant. Et il a compris tout de suite quand la personne lui a posé la question à propos de celui qui vole et qui boit de l'alcool et qui fait le zina. Il a dit, je ne le fais pas sortir de la foi, parce qu'il a compris que la personne en question qui lui pose cette question, il fait partie des khawarij qui fait le takfir des musulmans quand ils commettent des grands péchés, hein, et ils les font sortir de la foi. Donc lui, il a dit, moi je ne les fais pas sortir de la foi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui a répondu à l'imam? Il a dit, oh Abu Abdurrahman, maintenant que tu es devenu vieux, tu es devenu murji, Hein? Il a dit, ala kibaris sin sirta murji'an. Tu voyez le manque de respect des gens de bid'a, comment ils parlent aux ulama. Hein? Attends, je n'ai pas fini. Après, il lui a dit, donc le cheikh, il dit, les khawarij, ils considèrent que tous les gens de la sunna sont des murji'a. Ça, c'est une règle générale. Si tu vois un murji'a, si tu vois un khariji, c'est une règle pour eux. Tous ceux qui font partie des gens de Ahl al-Sunnah sont considérés par les Khawarij comme étant des Murji'a. Et comme je disais tout à l'heure, pour eux, tous les ulama qui existent aujourd'hui sont tous des Murji'a. Toi, attends, d'après ce que tu dis, est-ce que je dois comprendre que selon toi, personne ne peut faire sortir une autre personne de la foi? Non, je te pose la question. Selon toi, est-ce que quelqu'un, un musulman, un savant, un imam, il serait en mesure, il pourrait faire sortir quelqu'un de la foi? Jamais. En aucun cas. Attends une minute. Toi, tu comprends quoi quand on dit qu'une personne sort de la foi? Ça veut dire quoi pour toi? Non, si tu dis que quelqu'un, il sort de la foi, ça veut dire quoi? Comme toi, tu comprends quoi de ça? C'est pas mu'min. Donc, selon toi, est-ce que c'est possible qu'un musulman sorte de la foi? D'accord. Donc, tu es conscient qu'il y a des annulatifs, d'accord? Il y a des choses que si quelqu'un le fait, ou le dit, ou le croit, ça le fait sortir de la religion. Tu es d'accord? Et ça, c'est ce que les ulama expliquent. Il y a des choses, il y a des éléments, il y a des choses, soit des croyances, soit des paroles, soit des actions, hein, que quelqu'un peut faire ou dire ou croire, qui vont faire en sorte que s'il les fait, s'il les expose, ça va faire sortir cette personne de la foi. Les gens de la sunna, ils clarifient et ils expliquent que le fait de commettre des péchés, ça ne fait pas sortir de la foi. C'est ça qu'ils expliquent. Mais il y a des khawaj, eux, qui font sortir des musulmans de la foi pour des péchés. Donc ça, c'est de l'extrémisme. Tandis qu'il y a des gens, parmi les musulmans, qui considèrent qu'on ne doit pas faire sortir personne de la foi, peu importe qu'est-ce qu'ils font, même si c'est des annulatifs de la foi, comme par exemple les murji'a. Eux, ils disent, tout le monde est croyant, peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'est-ce qu'ils disent. Donc ça, c'est deux extrêmes, tu vois. Et les gens d'Ahl al-Sunnah, ils considèrent que hein, si quelqu'un fait des actes qui sont des actes de shirk majeur ou des formes de kufr majeur et qu'on a établi la preuve contre cet individu-là, à ce moment-là, oui, les ulama, ils vont être en mesure de dire que cette personne-là, elle est sortie de la foi ou elle a quitté la foi à cause de ses actions ou de ses propos ou de sa croyance qu'elle a exprimée, qui est contraire aux fondements et aux principes fondamentaux de l'islam. Donc, c'est ça l'histoire. Maintenant, si quelqu'un... C'est-à-dire que c'est sûr que si quelqu'un prononce des paroles de kufr ou fait des actes de kufr, OK, et qu'elle te dit ça, elle dit, moi, je ne crois pas aux anges. Eh bien, tu lui dis, ben ça, c'est dans le Coran, tu dois croire. Elle dit, moi, ça ne me dérange pas, même si c'est dans le Coran, je ne veux pas croire aux anges. Mais je suis musulman. Mais, elle dit, malgré ça, je suis musulman. Eh bien, je lui dis, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un musulman et puis pas croire aux anges. Parce que ça, c'est en contradiction avec la foi. D'accord? C'est ça. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils disent parfois, non, ces gens-là, ça, ce n'est pas des musulmans, même s'ils se disent musulmans. Tu vois? Il y a des groupes, par exemple, qui ont des croyances comme ça. Les Ahmadiyya, le Qadianiyya, ils disent, Ghulam Ahmad, c'est un prophète. Il est venu après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, c'est notre prophète. Ah ben, les ulama, ils ont dit, vous n'êtes pas musulmans. Parce que si vous croyez qu'il y a un prophète après Mohammed, alors vous n'êtes pas musulmans. Tu comprends? Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Ce n'est pas le fait de vouloir déclarer quelqu'un comme étant en dehors de l'islam juste parce que tu le fais par rapport à ton désir ou tes passions. Si tu déclares quelqu'un musulman, tu le fais sortir de l'islam, sans preuve, ça c'est un grand crime. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith, celui qui dit à son frère qu'il est kafir, C'est comme s'il l'avait tué. C'est comme s'il l'avait tué. C'est pire que ça même. Donc c'est pour ça, ça c'est des choses dangereuses. Mais en même temps, il faut bien comprendre et bien connaître ce sujet-là. Il ne faut pas en parler juste comme ça. La définition du kufr, c'est, tu vois, ces sujets-là, ça c'est des sujets. On ne peut pas l'expliquer, te donner une réponse de 5 minutes ou même de 2 minutes. Ça, ça nécessite qu'on fasse un dars complet sur ce sujet-là seulement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attarder sur chacun de ces points-là. C'est des choses qui ont déjà été expliquées dans d'autres cours qu'on a donnés dans le passé. Mais, si tu veux, on pourrait en parler. Il n'y a pas de problème. J'ai un cours qui est le samedi sur, justement, ces sujets-là. C'est le wajibat al-mutahattimat. Et la semaine prochaine, inshallah, le sujet... On a fait Nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam. On a parlé de plusieurs de ces points-là. Et la semaine prochaine, là, on a commencé à parler du shirk. Et les cours qui arrivent, les cours suivants, ça va être sur le kufr. Les différentes sortes de kufr, les définitions de ces différentes catégories de kufr. Donc moi, je te conseille, si tu veux vraiment comprendre ce sujet-là, viens le samedi. Hein? Ou bien si tu veux que je le fasse à un autre moment, que si tu ne peux pas venir, tu viens samedi, prière de dhuhr. Tu vois, samedi, après le dhuhr, viens, et là, inshallah, le cours, il va être sur ce sujet-là, ça va répondre à tes questions. Et je pense que ça va clarifier beaucoup de tes questionnements sur ce sujet-là, inshallah. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On reviendra la semaine prochaine sur ce point. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'excuse, tu nous as retardé là. Maintenant, les frères là, ils vont être fâchés contre toi.